Les participants à la marche en vélo pour la réunification organisée par le comité préparatoire de la région chinoise pour la conférence des organisations politiques et sociales et des personnalités du Nord, du Sud et de la diaspora en faveur de la paix et de la réunification indépendante de la péninsule coréenne ont lancé le 4 courant un appel à tous les Coréens. L'appel dit notamment: à l'occasion du 9e anniversaire de la publication de la déclaration du 4 octobre, le comité préparatoire de la région chinoise pour la conférence conjointe a organisé la marche en vélo en faveur de la paix et de la réunification indépendante de la péninsule coréenne. Mais cette marche s'est arrêtée à Panmunjom, ne pouvant continuer jusqu'au sol sud-coréen. La nation coréenne homogène, fière de son histoire 5 fois millénaire, a vécu sur le même territoire. Mais elle est aujourd'hui l'unique nation divisée sur la terre, symbole de la confrontation et de la guerre. C'est la honte inexprimable de la nation. Il faut réussir à tout prix au grand rendez-vous national pour ouvrir la voie à la réunification indépendante. Tous les Coréens sont appelés à porter plus haut le drapeau de l'indépendance et de la grande union nationale. Tous les Coréens du Nord, du Sud et d'Outre-mer doivent s'engager dans la lutte pour chasser de la Corée du Sud les troupes d'agression US et assurer la paix durable sur le territoire coréen. Ils sont invités à s'opposer résolument à la politique d'hostilité nationale scélérate des autorités sud-coréennes.